Ma part, où je suis tranquille, mais tu peux dormir quelques nuits dans le coffre de la barre. Crochet du gauche, tabac, des raris. On a vu un tas d'oseilles, un tas de Ferrari. Tu n'es qu'un menteur, je t'ai vu sur le terrain, surface, simulation, sifflet, penalty, mitraillette, scorpion. 357, comme de là, y'a des couilles, pas besoin de 55. Ou même le trafic, on le nie pas. Un ballon au 39 palais de 10 balles. Et puis y'a la mondaine qui traîne au cristal. Deux dates faire la guerre, tu me parles de freestyle. J'aurais 15 piges avec un ténor. On va ta rafale ou nique tes morts. On vit les chicots cassés, le regard froid. Tel prochain mort, sûrement laissé devenu ma proie. Va te faire enculer, y'a pas le faux mec. La fin devant la porte, devant la fenêtre. Quand je suis défoncé, je vais boire du bonbon. Salam à mes grossistes et ta peur de fourgon. La mort est belle, ainsi faite. La rue qui t'a baisé, pas d'océan qui m'a fait. Je suis pas une pute, je vais te faire du mal. Oui, d'où je viens, tu connais. Une putain de rafale dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Tes rebeux te veulent du mal. Calache, leur fils, ça va faire mal. Audemars, Mercoli, on par balle. Sorti d'autoroute, on lève ta bécane. Mon gros, si t'as des armes, on a les mêmes, au mieux. Je fais pas partie des grosses pédales, des braqueurs de ma banlieue. Ma banlieue, où l'on que tout l'hiver, on passe tous les pieds dans une ville, en ville, la vie qu'on veut. Pour ça on charbonne, on fait des longues peines. Qu'est-ce qu'on en ramasse, mais qu'est-ce que l'on paye. Des fois le prix d'une vie fait le faux qu'on baisse. Ils sont pas prêts, je me rapproche comme un loup dans les bas prêts. Ouais mon gros, t'as beau faire 3 mètres sur la mec avec la crosse de mon œuf, je t'éclaterai, plâtrerai, clâtrerai. Je suis un homme à l'enfance hyper dur. Je te laisserai pas me baisser la gueule. Star fait la tomber la vie, c'est pas ça qui perturbe. Un jour il faudra prouver, rouffer. Tes max sont les connards. On va te trouver, te trouer. Je te passerai l'envie de faire des menaces. Je vois ta cervelle, le sol, c'est dégueulasse. Ouais gros, le R&B sans rancune. Je n'y crée pas ma dignité, mon ami, j'en ai tout. Je suis pas une pute, je vais te faire du mal. Oui, d'où je viens, tu connais. Des putains de rafales dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Tes robes te veulent du mal. Kalash, Glock, oui, ça va faire mal. Omar, Mercoli, trop par balle. Sorti d'autoroute, on lève ta bécane. Ce soir j'ai rien à prouver, je laisserai parler les balles. Ce soir j'ai rien à prouver, je laisserai parler les balles. Ce soir j'ai rien à prouver, je laisserai parler les balles. Toi j'ai rien à prouver, je laisse parler les balles.